بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم السؤال التاسع والعاشر. Donc 9e question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى. Donc maintenant il a dit, la question c'est qu'en est-il de jurer par un des attributs d'Allah. Tu ne nommes pas Allah, mais tu jures par un de ses attributs. فأجاب رحمه الله تعالى القسم بصفة من صفات الله تعالى جائز. مثل أن تقول وعزة الله لا فعلنا وقدرة الله لا فعلنا وما شبه ذلك. وقد نص على ذلك أهل العلم حتى قالوا إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزا، لأن المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته. Donc il a dit le fait de jurer par le biais d'un attribut d'Allah, cela est permis. Comme par exemple quelqu'un qui dirait par la puissance d'Allah, en jurant, au lieu de dire par Allah, il dira par la puissance d'Allah, je ferai telle et telle chose. Ou qu'il dira, مثلاً, par, je ne sais pas comment on traduirait, qudra, sa capacité ou potentiel, par la capacité d'Allah, je ferai telle et telle chose. Ou quelqu'un qui dira, par exemple, par la rahma d'Allah, je ferai telle et telle chose, en jurant. Donc cela est permis. Il a dit, après le Cheikh Al-Fatih Tambi, il a dit que même des gens de science ont dit que si jurer par le mushaf, que cela était permis, car le mushaf contient la parole d'Allah, et la parole d'Allah est parmi ses attributs. Donc l'intambi par rapport à cette parole de l'auteur, du shir, c'est le fait de jurer par le mushaf. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est jurer par le Coran. Jurer par le Coran, cela est permis, car le Coran, c'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah, c'est parmi ses attributs. Mais le mushaf en lui-même, d'autres ulama, eux, ne voient pas comme le shir, comme shir Najmi, mathalan, ou d'autres, qui eux disent que le mushaf, et c'est l'avis qui est correct, c'est que le mushaf c'est un objet. C'est le livre qui contient les pages, qui contient l'encre, qui contient la couverture et autres. Donc cela est une créature. Dedans il y a la parole d'Allah, certes, mais le mushaf en lui-même n'est pas la parole d'Allah, c'est un objet. Donc les ulama disent que jurer par le mushaf, cela n'est pas permis. Cela rentre dans le shirk. Cela rentre dans le shirk. Car tu as juré par une créature. Et kazalik, Cheikh Al-Othaymin, il a une fatwa sur une autre masala qui est liée à celle-ci, c'est le fait de jurer en posant le mushaf et en mettant la main droite dessus. Quelqu'un vient, il prend le mushaf, il dit « Je jure par Allah, mathalan », et il pose sa main sur le mushaf en disant « Je n'ai pas fait telle chose » ou « Oui, j'ai fait telle chose », ainsi de suite. Il a dit quoi? Le Cheikh, dans une autre fatwa à lui, qui n'est pas dans ce livre, il dit « Fal halif ala mushaf amrun lam yakun inda salaf as-salih wa lam yakun fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف فليحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف. Donc il a dit le fait de jurer en mettant la main sur le mushaf, cela c'est une chose qui n'avait pas lieu à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des sahaba, ni à l'époque des salafs, après que le mushaf ait été justement écrit dans les livres. Donc il a dit celui qui doit jurer qui jure par Allah directement, sans avoir besoin d'apporter un mushaf et de jurer dessus. Et d'autres ulama ont même ajouté que cela est une ressemblance avec les gens du livre, car eux ils font cela, de jurer sur la Bible. Par exemple, lors des procès, ils amènent la Bible, ils mettent la main droite dessus, ils disent « je jure par la Bible, telle et telle chose ». Donc ça c'est l'une de leurs coutumes. Mais en islam, il n'y a pas cela. Celui qui jure par Allah, cela suffit. Pas la peine de faire son mushaf. Non. Souma qu'Allah, السؤال العاشر سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والشرف والذمة. Donc il a dit qu'en est-il de jurer par le prophète ou par la Kaaba ou par la noblesse ou par la parole. Là c'est le fait de jurer. Donc ça on a pris au début la règle générale par rapport à ça et là l'auteur va répondre. فأجاب رحمه الله تعالى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بل هو نوع من الشرك وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك لأن النبي والكعبة كليهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. Donc il a dit de jurer par le Nabi عليه الصلاة والسلام cela n'est pas permis et cela est une forme de shirk. Et كذلك le fait de jurer par la Kaaba pour le même jugement. Car les deux sont des créatures. Et on ne doit jurer que par Allah ou par ses attributs. وكذلك الحليف بالشرف لا يجوز وكذلك الحليف بالذمة لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر أو أشرك. Donc il a dit pareil, le fait de jurer par la noblesse, de jurer par la parole, et pas comme on l'a dit la dernière fois, de donner sa parole. Là, on jure par la parole. D'accord ? Et par exemple, il dit, je jure sur ma parole telle et telle chose. Donc il dit, cela n'est pas permis, c'est le même jugement. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, man halafa, celui qui jure par autre que Allah, a certes mécru ou a associé. Et là, il s'agit de shirk asrar, et qui peut être akbar si la chose par laquelle on jure est sublimée, tout comme on sublime Allah azza wa jalla, ta'zim. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسموت. Il a dit ne jurez pas par vos pères. Et là c'est vos pères ou toute créature. Et que celui qui jure qu'il ne fasse pas Allah alors qu'il se taise. نعم. هذا الذي أخذنا اليوم من هذين السؤالين فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.